Claude Jean, cheminot originaire de Redessan, dans le Gard, a fait paraître, en février 2011, aux éditions Marpoc, 17 récits écrits en français et en occitan, sous le titre « Le paradis des trains perdus ». J'ai choisi et enregistré pour vous 4 de ces récits en français.